nous aura bien décontenancés l'année dernière, avec ses concerts tout niqués. Il aura fallu une seconde session pour réaliser à quel point c'était punk et courageux. Son double album, lui aussi, est une merveille. Christine and the Queen, l'amour vrai. Et nous sommes toujours en 2023. forget the mud. We feel darker nights staring at me. We feel dark eyes staring at me. Nous avions l'habitude d'aller dans les studios et la première chose que nous faisions, c'était de demander où se trouvait la cuisine pour piquer les casseroles, les poêles et tous les ustensiles que nous pouvions jeter dans les escaliers. C'est alors que nous pouvions enregistrer des sons pour en faire des rythmes, puis les transformer en boucles sur des bandes magnétiques. Nous sommes au Hansaton Studio, c'est à Berlin. David Gahan n'est pas très content, il trouve ce titre trop commercial. Depeche Mode ne voudra plus jouer sur scène pendant plusieurs années, et pourtant, c'est ce son qui va ouvrir une brèche dans les radios grand public. Nous sommes en 1984, aujourd'hui People Are People est sans doute l'une des jonctions les plus réussies entre la dance, la pop et la musique industrielle. Casserole n'est pas si éloigné de celui des barreaux d'une maison d'arrêt. En 1979, un groupe de condamnés reçoit l'autorisation de la part du directeur de la prison de créer un groupe. Il s'agit de The Age of Daybreak. Et nous sommes au Powhatan Correctional Center en Virginie, lorsque soudain, un miracle se produit au milieu des couloirs de la prison. Won't dance with you. You wanna know, wanna Age of Daybreak naît à partir d'une première formation Cosmic Conception, déjà installée en 1976 au sein de la prison. Le groupe est articulé autour du chanteur et batteur Jamal Jahanoubi, à laquelle se sont par la suite greffés James Carrington au clavier, Cornelius Cade à la guitare, McEvoy Robinson qui est bassiste et Willie Williams aux percussions. I wanna dance with you, I want a boogie. Et ce chef-d'œuvre de la soul est notre powerplay de la semaine. International de la danse. De Radio Duo. Thank you. enlevé une chaîne de l'SPA, qui était très très sportif à la montagne. Elle a eu 16 ans, elle s'est un peu usée parce qu'elle a énormément galopé dans sa vie. Un jour, on avait cherché, il y avait un champ avec des chevaux et on l'a trouvé couché. Elle avait un énorme trou dans la tête. Et on est descendu dans la vallée pour la mettre chez un vétérinaire. Le vétérinaire lui a fait une piqûre et elle était morte. Donc on l'a remontée et on avait un terrain qui était plutôt un terrain vague, on ne poussait pas grand-chose, sauf des orties. On a fait un trou et on l'a mis dans la terre. Et maintenant, il y a des énormes framboisiers et c'est ces framboisiers-là qui portent le plus. C'est déjà poussé. Les framboises. Oui. C'était bon. Ah oui. Ah bon, on fait beaucoup de confitures et ces confitures-là sont sacrées. Mais le courage aussi. Tahiti Boy, le label Tricatel, nous sommes à Paris en 2020. La nuit des temps, Radio Duo. Bye. dans la ville sœur de Saint-Étienne. Nous sommes à Détroit, mais cette fois en 1974, là où la cité fabrique de la musique soul à la chaîne, là où David Bowie fait un live génial pour rendre hommage à la ville, à ses habitants et à la Motown. Voici Young Americans. He pulls her down behind the fridge, takes her down, he frowns. Gee, my life's a funny thing, I'm a still too young. She takes his hand in prayer, she takes his ring, takes his baby hands, takes him minutes, takes her nowhere. Heaven knows he's taking a thing. All night, all night, she wants a young American. She spies the slinky vagabond, curses as he passes a Ford Mustang. Heaven knows he's taking a thing, but the freak on his right for nothing takes his fears and cuts his hand. Showing nothing is smooth like a song, she cries, where have all Papa's heroes gone? All night, all night, she wants a young American. America, all the way from Washington. A breadwinner stares at the bathroom floor. We live for justice 20 years. Do we have to die for the 50 more? All night, all night, he wants a young American. All night, all night, all night, he wants a young American. Nixon, do you remember bills you have to pay, or even yesterday? Have you been the young American, just you and your idols singing for Saint Obama? Leather, leather everywhere, not a myth left in the ghetto. Carry a razor, just in case of depression. Sit on your hands with a bus of survivors, blushing at all the Afro-Sheenas. Ain't that close to love? Ain't that close to love? It ain't no Barbie doll. My heart's been broken just like you. All night you want the young American. So all right, all right, but you're looking for the young American. You ain't a pimp, you ain't a hustler. Pimp's got a caddy, ladies got a crash. Black's got respect, white's got his soul train. Mama's got cramps, look at my handshake. I heard the news today, oh boy. I got a sweet, you got your feet. And there a man who can suck on the door. And there a woman who can say no more. And there a man that can write before they die. Ain't you proud that you still got faces? Oh, ain't there a song that can make me break down and cry? Oh, all night, one thing on America. You want I oh, oh, just for looking for the young American. All night I want the young American. La date du 14 septembre 1979 est enfin cochée pour effectuer l'enregistrement. Les prisonniers du Powhatan Correctional Center avaient juste 5 heures pour enregistrer en une seule prise et avec une seule piste leur disque. La pochette est vite réalisée à partir du croquis fait par les musiciens et l'album sort dans la foulée. Il sera pressé seulement à 1000 exemplaires. Et dès les premières secondes, les larmes vous montent aux yeux. Voici The Age of Daybreak en powerplay. Magnifique, cette semaine, dans la nuit des temps. Just tall for a bottle jack, 6 pounds of pressure, you can't handle that. It's time to know. The Minutes, nous sommes à Memphis en 1972. Something, all the universe conspires in helping you to get it. I think the universe actually conspired in helping me to be here today. I've been trying to do this interview for 10 years. But where did that idea, that those words, that theme come from? Well, what I experienced in my life is that when I really wanted something, I always got it. Positive and negative, because the universe does not think. John Carroll Kirby. Nous sommes en 2024. Mais oui, c'est déjà l'heure de fermer les portes justement de notre bon vieux club. On ferme les portes sur ce magnifique Passion Fruit de Eka et de ce producteur que nous adorons ici dans la nuit des temps, John Carroll Kirby. Et ça vient juste de sortir, Passion Fruit. Eh bien, parlons-en justement de ces fruits de la passion que nous avons partagés ce soir avec, et par ordre d'entrée sur le dance floor, BC Camplight et son apocalypse pour une dernière rotation de la Terre. Car oui, la danse est une affaire de corps situé dans le monde, et le monde lui aussi situé quelque part parmi les étoiles. Christine and the Queen, pour son album de l'année dernière, qui est toujours magnifique. Ces vieux garnements de Depeche Mode pour se remémorer la jonction entre la musique industrielle et justement la dance. Autour du chanteur et batteur Jamal Jahanoubi se sont ajoutés d'autres prisonniers dans le pénitencier du Powhatan Correctional Center pour former The Age of the Break. Je rappelle leurs noms, il y avait James Carrington au clavier, Cornelius Cade à la guitare, McEvoy Robinson à la basse et Willie Williams aux percussions. Ce trésor de 1979 est ressorti en 2015 grâce au génial label Numéro Groupe. On a également reçu Michel Legrand avec un extrait de la bande originale du film L'affaire Thomas Crown en 1968. Une merveille de comédie policière, légère comme de la chantilly, réalisée par Norman Jewison qui vient de disparaître il y a quelques jours. Et dans ce film, il y avait la non moins extraordinaire Faye Dunaway. On a également reçu Catastrophe, pour lutter contre les catastrophes. Moki Tremoka, mais avec du latte s'il vous plaît. David Bowie en live à Détroit, plus soul que jamais. Et les Minutes, girls band bien cool, décongelé de 1972. Et puis

pleures ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien.